On a accueilli 4 nouvelles entrées du côté franco. La semaine prochaine, on accueillera 4 nouvelles entrées du côté anglophone. Donc, ça fait 8 pièces. Et quand on accueille 8 pièces, on doit dire au revoir à 8 pièces. Et là, ça va être difficile cette semaine parce que c'est une grosse... une purge, comme on dit. Donc, voici Palmer Rest in Peace au Palmarès. C'est fou. Just now. C'est ça, les pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 9 au 22 juin 2014. On s'est débarrassé de tout ce qui était au-dessus de 6 semaines ou presque. Il y a eu une exception, j'en parlais tantôt. Donc, on a commencé avec Kloppelgag et Tunnel qui a duré 6 semaines. Ensuite, on a créé un monstre, La Fatigue, qui a duré 7 semaines. Mordicus, qui est de retour maintenant, mais ça, c'était Ma Grande Gueule cette semaine. Même chose pour Radio Radio, 50 Shades of Beige, 7 semaines. Pascal Picard et Paper Planes, 7 semaines. Walrus et Banger, avec 6 semaines. Tokyo Police Club, qui est aussi de retour. Miserable, qui a duré 8 semaines. Et finalement, Royal Canoe et Just Enough, qui a duré 7 semaine. Voilà ces 8 pièces auxquelles on dit au revoir. C'est beaucoup en même temps. C'est difficile. C'est une épreuve qu'on va devoir, passer par-dessus, au travers, ensemble. Voilà. Donc, c'est ça. Mais on a quand même accueilli 8 nouvelles entrées. Ça va faire du bien pour le reste de l'été.